Ce vendredi, à la vie en BD, des récits sur l'analphabétisme et si le féminin l'emportait sur le masculin, des commentaires BD et plus. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour jaser bande dessinée. Et cette semaine, deux récits à caractère, ma foi, fort intimiste. C'est un bel hasard, en fait, qu'on ait choisi de les avoir presque simultanément, si on peut dire. Donc, deux regards sur la construction de soi, sur la construction de la famille, deux regards sur les perceptions qu'on peut avoir par rapport à des situations, à des réalités, l'une peut-être en tant que dans le contexte de la narration intégrée dans le récit. Donc il s'agit du dernier mot de Caroline Roy Élément qui nous présente dans le fond la révélation que le grand-père d'une famille et ne sait ni lire ni écrire, et donc on voit un peu les réactions de tout un chacun face à tout ça sans savoir vraiment qu'est-ce qui se trame dans la tête de celui dont le plus terrible secret a été révélé au grand jour. Et le deuxième, peut-être en fait cette appropriation, mais dans une posture plus de lecteur, puisqu'on est comme lecteur confronté à la réalité quotidienne des femmes aujourd'hui et hier, à cette disons constante pression ressentie autour de ce qu'est la féminité, de ce que devrait être la féminité. Donc plus une lecture de confrontation pour le lecteur ou une lecture d'association peut-être pour la lectrice. Donc en termes d'expérience, de regard, de perspective partagée. Deux très très beaux ouvrages, fort similaires et fort différents, si on peut dire, qu'on va vous proposer cette semaine ici à La Vie en BD. Donc deux entrevues, en première moitié ce sera Caroline Roy Élément du Dernier Mot, et en deuxième moitié ce sera Julie Delporte pour Moi aussi je voulais l'emporter. Également en fin d'émission, l'un de nos libraires en résidence, Jérôme Vermette, viendra nous partager ses commentaires BD et plus. Alors c'est notre menu de cette semaine. Comme d'habitude, on y va avec quelques petites notules d'actualité, notamment, on y va assez rapidement, c'est plus tranquille un peu en cette fin d'année. Beaucoup des prix et autres éléments ont été nommés ou certains finalistes annoncés. Alors, peut-être une petite note, un dernier prix dont on vous avait pas encore parlé, alors créé il y a 5 ans par les espaces culturels Leclerc, le prix Landerneau BD 2017 a été attribué à Paul Valette pour Jean Doux et le mystère de la disquette molle chez Delcourt, un récit qui se déroule dans les années 90 dans une petite entreprise spécialisée dans les broyeuses à papier qui vient de se faire racheter par un gros concurrent. L'aventure commence lorsque l'un des employés, Jean Doux, fait une mystérieuse découverte, une mallette contenant une disquette molle dans le faux plafond du débarras. Alors c'est un peu l'amorce du récit, et le président du jury, Juanjo Guarnido, a évoqué, lui, et je cite, une bande dessinée jouissive, drôlissime, accrocheuse et intelligente. Et sinon, autre petit clin d'œil à l'actualité, le nouveau Astérix sera au cinéma en 2020, Cap vers la Chine, donc voilà le nom de ce film. Donc cette aventure se déroulera évidemment en Chine, ça veut dire qu'il ne s'agit pas non plus d'une adaptation, puisque dans les albums BD, les personnages de Uderzo et Goscinny n'y ont jamais mis les pieds. Alors voilà, donc pour cet album à venir. Et sinon, petite mention dans les actualités et événementielles qu'il y aura cette fin de semaine, ce dimanche, au Musée national des beaux-arts du Québec, une joute de la Ligue québécoise d'impro BD, c'est à compter de 13h30, et on nous annonce ce mois-ci une thématique à saveur western. Thank you. toujours écoute de CKRL 89.1. On poursuit toujours en musique 8-bit. En fait, c'est la formation Tech avec l'album Skeleton Boomerang qui nous accompagne cette semaine. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Entre autres éléments, les balados diffusion des émissions qui sont également disponibles sur lavieenbd.wordpress.com. Et donc, premier ouvrage dont on vous parle cette semaine. Alors, fort bel ouvrage du côté des éditions mécaniques générales. Ça s'appelle Le Dernier Mot. C'est dessiné par Mathilde Saint-Mars. C'est scénarisé par Caroline Roy-Élément. Et Caroline Roy-Élément est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous lancer peut-être d'emblée le départ de votre livre, en fait, qui est assez parlant pour essayer de le décrire. En fait, c'est essentiellement le jour où j'ai appris que mon grand-père ne savait ni pas lire ni écrire. C'était le jour de son 82e anniversaire de naissance. Et donc, à partir de ça, on amorce vers une réflexion sur l'alphabétisation, sur l'importance des mots, des images. Et tout ça, c'est une idée au départ qui est née de ce que j'en ai compris d'une image que vous avez envoyée, Mathilde Saint-Mars. Oui, c'est ça. C'était à l'époque, on remonte à il y a environ 4 ans, là. Moi, j'envoyais des textes à Mathilde, puis elle m'envoyait des dessins, puis comme ça, on cherchait à s'inspirer, puis on travaillait parallèlement à ça, à un projet d'exposition où on voulait marier mes textes à ses dessins. Puis c'était vraiment un soir de février, puis là, je suis tombée sur cette image-là. Ça tombait bien parce que c'était une tempête, puis c'était l'image d'un homme qui marchait dans une tempête, mais en fait, c'était une tempête de mots. Fait que j'avais trouvé ça super fort comme image parce que c'était vraiment la silhouette d'un homme collé sur la page d'une encyclopédie, je pense. Fait que c'est de là que j'ai eu ma petite idée pour écrire une histoire qui avait à l'époque à peu près une page. Et qui a grandi au fil des années, évidemment. Et dans tout ça, dans le fond, c'est le questionnement, en fait, c'est l'idée, parce que vous travaillez en éducation, en alphabétisation, entre autres éléments, vous travaillez en écriture, et on n'arrive pas, on saisit difficilement quelle doit être la réalité de gens qui n'ont pas ce contact possible avec les mots et comment on appréhende une société qui est quand même en bonne partie basée sur l'écrit aussi. Oui, c'est exactement ça. Ma réflexion à partir du fait que moi, un monde sans mots, c'est inconcevable. Je m'oriente avec les mots. Je fais mon épicerie en lisant. Je fais, tu sais, les mots, lire, écrire, ça fait partie de ma vie de tous les jours, de toutes les heures de ma vie, là. C'est difficile d'imaginer qu'un symbole comme une lettre, ça veut rien dire. Puis c'est de là que j'ai écrit mon histoire. Et vous avez justement pas cherché à vous mettre dans la tête de la personne qui, justement, ne sait ni lire ni écrire, mais plutôt dans la tête de tous ceux qui l'entourent, dans le fond, et qui découvrent ce secret-là en même temps que le lecteur. Donc, c'est un peu l'idée, une volonté de réserve, d'une certaine manière, de dire, bon, OK, j'ose même pas m'imaginer cette réalité-là, j'en suis trop loin, mais je vais m'imaginer tous les regards qu'on peut porter sur celle-là. Oui, effectivement, une volonté de réserve, exactement. Moi, j'aime bien raconter des histoires, mais des histoires dans lesquelles je peux m'imaginer être partie prenante. Fait que, comme je disais précédemment, je suis pas capable de m'imaginer c'est quoi un univers sans lecture, sans écriture. Fait que je peux pas me mettre effectivement dans la peau de ce personnage-là, mais dans la peau des gens qui réagissent. Oh oui, je suis capable d'imaginer une palette de réactions assez multiples. Oui, puis ça nous amène un peu à l'autre élément, parce que Le Dernier Mot, c'est un livre sur cette réalité, sur l'analphabétisme, mais c'est aussi un livre sur la famille. Oui, effectivement, c'est une profonde réflexion sur la famille, puis moi, personnellement, c'est là-dedans que j'ai eu tellement de plaisir à me plonger, tu sais, les relations entre les personnages, voir comment tel personnage allait réagir, tu sais. C'était vraiment vraiment un plaisir pour moi de me plonger là-dedans, puis c'est une question qui me fascine, oui, la famille au Québec, les relations, comment des fois on a l'impression de connaître les gens qui nous entourent, mais finalement on les connaît pas. Je me rappelle aussi parmi les premières fois que notre éditeur Renaud Plante avait lu le texte, c'est ce qu'il me disait. Il disait, c'est ça qui est fort dans le texte, là, c'est la famille. On pourrait reconnaître n'importe quel souper de famille ou presque. dans ce qui est écrit. Oui, puis dans le contexte en plus de la révélation, ben veux pas, ça vient à changer la dynamique familiale et donc donne nécessairement ben la nature profonde d'un peu tout un chacun ressort. Donc là, on va chercher les réactions qu'on pourrait avoir, mais puissance mille. C'est par exemple c'est ce personnage qui achetait des livres à son père pendant des années pour finalement se rendre compte qu'il était incapable de les lire. C'est la frustration qu'elle vit puis qu'on peut comprendre d'une certaine manière. Parce que finalement, on garde tous peut-être un peu une part secrète, et dans certains cas, ben c'est un peu dans le fond l'effritement qu'on découvre quand la part secrète est révélée. Mais ben, quel jeu de domino ça peut avoir, quel effet domino ça peut avoir dans le fond sur la dynamique familiale. Oui, effectivement, c'est vraiment oui révéler des facettes. Ben aussi c'est ça, comme approfondir. On dirait que à la fois ça les sépare, mais en même temps ça a renforcé le lien, je trouve, qui unit les personnages, d'avoir cette vérité-là qui arrive si tard dans leur vie. Là, ça change la vie, pas juste du grand-père de le révéler, mais la vie de tout le monde autour de lui. Et ça redéfinit la notion de famille. Là. Et j'imagine que dans un contexte comme ça, Caroline Roy-Élément, ça vous amène aussi à créer un texte avec un rythme particulier où, oui, il y a des moments, des grands moments de parole, mais il y a aussi des grands moments de silence et des grands moments de malaise là-dedans. Oui. Moi, j'adore les silences, les malaises. J'avais vraiment envie qu'ils aient leur place. Puis de travailler avec une illustratrice aussi, ça laissait la place au silence, sans que j'aie besoin de rien d'écrire. Tu sais, laisser la place à l'illustration, ça faisait comme enfler le silence. C'est ce que j'ai trouvé tellement intéressant aussi, là, au fait de travailler avec Mathilde. Elle mettait en relief des moments de l'histoire qui n'avaient pas besoin de mots. Et puis de jouer un peu avec les faciès, avec les expressions, avec ben, le grand-père justement qui est omniprésent, mais comme on disait tantôt, qui dit rien, mais il prend quand même toutes ses dimensions justement à travers le dessin. Oui, exactement. Oui, et puis effectivement, il est là, il dit rien, puis tout le monde autour de lui, justement, tu sais, lui ne sait ni lire ni écrire, puis là, même au moment où il apprend à tout le monde qu'il sait ni lire ni écrire, ben on lui laisse à peine la parole, puis on l'écoute à peine, tu sais. Et dans tout ça, vous l'avez mentionné tantôt, vous avez choisi de vous mettre un peu en mode immersion, donc comme si vous étiez dans cette famille-là. Est-ce que le fait justement de se placer, de se donner un rôle, entre guillemets, dans votre histoire, est-ce que ça aide justement à la création de l'histoire? Qu'est-ce que ça vient vous apporter? Ouais, ben, c'est intéressant comme question parce que moi, je l'ai vraiment travaillé comme une fiction, mais c'est sûr que comme la fiction est entretenue par des éléments de réalité. Oui, moi, effectivement, je suis présente dans l'histoire, mais puis ça vient faire une tension. Là. Beaucoup de gens pensent que c'est mon histoire à moi, mais je veux dire, il y a des éléments vrais, il y a des éléments faux. Mais c'est un plaisir, effectivement, de me mettre dans la peau du personnage à laquelle je peux m'identifier, le personnage de la narratrice. Et en plus, Mathilde Sagmas, elle a utilisé mes photos pour créer le personnage. Elle a utilisé les photos de mon père pour créer le personnage du grand-père. Elle a utilisé des photos des gens de sa famille aussi pour créer les autres personnages qui graphient autour. Donc oui, c'est vraiment un livre qui est super proche de nous, mais qui en même temps relève de la fiction. Exact. Donc, c'est de jouer un peu avec cette réalité-là. Puis, j'imagine que ça doit faciliter un peu l'idée de porter un regard, de vivre la situation à travers le texte. Ben, si on se place implicitement dedans, ben, de facto, au-delà de l'écriture, on a une implication émotive peut-être un peu par rapport à cette situation imaginée-là. Oui, effectivement. C'est ça. Ça permet de mieux figurer peut-être les réactions des gens et comment surtout au niveau la narratrice, elle a une réaction quand même assez empathique à l'égard de son grand-père, puis oui, effectivement. Oui, ben, à la limite, même si on pousse un peu, elle est un peu extérieure à tout ça, elle est beaucoup observatrice, un peu comme le lecteur, donc en même temps ça nous permet une certaine immersion à nous-mêmes dans votre récit, si on peut dire. Une immersion à nous-mêmes. Ouais, ben, en fait, pour moi comme lecteur, dans le fond, un peu par le biais de ce personnage-là qui est observateur, comme moi j'observe l'histoire, ben, ça donne un sentiment d'immersion presque, si on peut dire. Oui, ben oui, ben c'est drôle parce que justement, mais on a eu l'occasion de dédicacer un peu les des œuvres à date. Puis à chaque fois dans mes dédicaces, j'invite les gens à s'asseoir à table avec nous, avec moi, Mathilde, avec les autres membres de la famille. C'est vraiment le feeling que je veux donner aux lecteurs, là, qu'ils soient assis, là, qu'ils reçoivent en pleine face cette nouvelle-là et ce malaise-là. Et Caroline Roy-Élément, on disait au départ, donc c'est un peu d'un premier échange avec Mathilde Saint-Marc, vous avez envie de collaborer. C'est parti d'un récit en une page, donc au fil des 3 ans, ça veut dire que le récit s'est construit de manière peut-être un peu instinctive, au fil des images. Comment ça s'est bâti, cette trame-là? Dans le fond, c'est ça, on est parti du texte d'une page, puis après ça, on a conclu qu'on avait envie de travailler ce texte-là sur le long terme. Fait, j'ai travaillé sur une version plus longue, mais là, j'étais vraiment toute seule dans le travail du texte. Puis à la fin, au bout de 2 ans, là, j'ai pu envoyer une version longue à Mathilde. Puis elle, après ça, moi, j'ai dit, tu sais, je te fais confiance, puis j'adore son travail, puis j'adore sa capacité d'analyse. Puis elle prenait vraiment le temps de bien se plonger dans le texte. J'ai dit, allez, vas-y, je te fais confiance pour les illustrations. Donc, à partir de là, elle a créé les illustrations, mais vraiment, là, en totale confiance. La seule chose, c'est qu'elle a travaillé avec ma photo, fait que c'était un peu sa contrainte, mais en même temps, c'était pas une contrainte qui difficile, je crois. Non, puis ça, puis il y a une belle variété, en fait, dans la manière dont elle s'est appropriée aussi les éléments, la mise en scène, une belle simplicité dans la mesure où elle a choisi beaucoup de se centrer sur les personnages, sur les expressions, sur la réalité, d'illustrer peut-être un peu aussi ce qui se passe dans l'esprit de ces gens-là. À un moment donné, par exemple, le grand-père qui est perdu au fond d'une coupe de vin ou autres éléments, donc c'est à la fois simple et efficace, j'ai l'impression. Oui, et bien ça reste ça. Moi aussi, c'est ce que j'aime, c'est qu'elle a une fois de plus réussi à s'approprier le texte, puis à garder cette espèce de réserve là que j'essayais de garder aussi dans mon texte. Ouais, c'était vraiment bien pour ça. Donc, dans le fond, on réussit à faire la cohésion. C'est ce qui est toujours le défi, évidemment, quand on décide de travailler en duo comme ça, de réussir à trouver la ligne d'entente, le bon ton, d'avoir la même vision du texte, finalement. Mais en même temps, au fil de 3 ans, on imagine que vous l'avez trouvé en cours de route ou assez rapidement. Oui, bien, assez rapidement, effectivement. Puis on est habitué, c'est ça, on travaille non seulement, ça fait non seulement longtemps qu'on échange des textes et des dessins, mais en plus, on a travaillé pendant 1 an dans le même espace. Donc, vraiment, oui, c'était pas trop dur de se coordonner puis de trouver un terrain d'entente. Donc, ça allait de soi. Et donc, c'est une première expérience en BD de votre côté, je pense? Oui, effectivement. Et est-ce que c'est une première et dans laquelle il y aura suite? Est-ce qu'il y a d'autres collaborations qui s'installent peut-être avec Mathilde Saint-Mars ou d'autres? Bien, j'aimerais beaucoup. Puis moi, j'aime vraiment travailler en équipe et j'adore... lire, consommer du roman graphique. Donc, j'espère que oui, l'occasion va se représenter. Alors, à suivre peut-être. Et d'ici là, bien évidemment, il y a le dernier mot sur lequel on peut mettre la main. Caroline Roy-Élément, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Alors voilà, donc c'était, je le rappelle, Caroline Roy-Élément, qui est auteur, qui est scénariste en fait, de ce dernier mot dessiné par Mathilde Saint-Mars. C'est du côté des éditions Mécanique Générale. Alors, toujours à la vie en BD, je prends quelques instants pour vous partager quelques commentaires sur des lectures récentes. Pas nécessairement des sorties récentes, évidemment. Il y a quand même une dichotomie entre ces deux éléments. Premier titre dont j'avais fortement envie de vous parler, en fait, c'est donc La Cité sans nom. Premier tome, en fait, Menace sur l'Empire Dao. Un livre jeunesse, mais on fait au même titre que Harry Potter est un livre jeunesse, là, dans la mesure où c'est un univers qui nous est proposé par l'auteur canadienne Faith Erin Hicks. Qui, dans le fond, n'utilise pas le fait qu'on s'adresse d'abord peut-être à un public plus jeune pour manquer d'ambition et pour manquer de complexité. Et même à la limite, en fait, on est très loin aussi d'une dynamique manichéenne, là, des bons, des méchants et de reste. Donc c'est vraiment tout un récit en zone de gris qui sous-tend et soulève de belles questions autour de la notion de vivre ensemble, entre autres éléments. Alors La Cité sans nom, qu'est-ce que c'est? Ben c'est d'abord une ville. Ces villes, dont il y en a quelques-unes, évidemment, sur la planète, qui ont été l'objet de luttes et de querelles presque depuis les temps immémoriaux, qui sont toujours au centre de guerres politiques à l'intérieur même de ses habitants et de celles des régions environnantes. Alors, cette ville sans nom, ben, évidemment, en a plusieurs selon quel occupant a le pouvoir dans la ville. Au moment où le récit commence, ben, c'est le peuple Dao qui gère donc cette cité. Et qui sont en fait les Dao tergiversés entre différentes options, donc soit justement dans le contexte des menaces externes, donc essayer de trouver une façon de rallier les forces internes pour éviter de persister dans cette division qui, selon les aviseurs, ben, mènera nécessairement vers la perte éventuelle de la ville aux mains d'autres adversaires externes, ou justement ben, le maintien du pouvoir à tout prix pour éviter justement d'avoir à marchander avec les peuples qu'on a vaincus dans le passé. Alors, c'est un peu la dynamique de base. À ça, ben évidemment, il y a les protagonistes. Donc, au cœur du récit, c'est un jeune Kaidu qui, lui, vient d'arriver dans cette ville, arrive naïf, peut-être face aux réalités, aux luttes politiques, inconscient peut-être de celle-ci, qui vit l'entraînement pour devenir un soldat. Et qui va être appelé à aller un peu dans la ville, dans les alentours, de manière un brin illicite. Il va rencontrer Rat, qui est une habitante de la cité sans nom, mais depuis beaucoup plus longtemps, et qui est dans l'autre réalité, donc du côté des vaincus, qui vit dans les rues et tranquillement, ben, vous voyez un peu où je m'en viens, là. Il va avoir une dynamique, une amitié qui va se créer entre les deux personnages. Et donc, ce qu'on propose, c'est essentiellement le récit de cette amitié naissante et ensuite le récit de, justement, ce passage, dans le fond, d'une vision manichéenne de la réalité politique de la ville à une vision en zone de gris chez les deux protagonistes qui va amener, évidemment, à certains regards et un certain investissement dans les luttes politiques de la ville, mais donc c'est cet apprentissage-là qui devient un peu l'arc dominant, si on peut dire, d'un point de vue narratif. Alors ça marche, c'est vraiment agréable. Je dirais peut-être à partir de 10 ans, là, si on y va pour les plus jeunes, ça reste quand même assez complexe, mais c'est vraiment beau, c'est dynamique, le visuel, sérieux, c'est solide, c'est réussi. Belle immersion, on sent l'esprit de la volonté de bâtir une culture aussi autour de tout ça. Donc ça fonctionne vraiment bien. Il faut dire que Faith Erin Hicks n'est pas la dernière venue non plus. Elle avait décroché l'Eisner Award pour la bande dessinée jeunesse dans le passé. Alors, on a quand même un beau gage de qualité et vous ne ferez pas erreur avec ce premier tome d'une trilogie. Autre récit, et là, je disais tantôt, ben, on va peut-être aller dans un peu de rattrapage. C'est sorti l'an dernier, en 2016, mais je sais pas pourquoi je l'ai lu tout récemment. Et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Le deuxième tome n'est pas encore sorti non plus, mais doit s'en venir prochainement. Alors, si vous avez raté ce tome, sautez sur le livre, ça vaut la peine. Ça s'appelle Karma City. C'est de Pierre-Yves Gabrion. Essentiellement, ça nous amène dans un monde où on est régi par notre karma, donc par nos actions positives. Et on a une montre qui est capable d'analyser, dans le fond, un peu comme dans un jeu vidéo, finalement, donc les points blancs, les points positifs et versus les points négatifs, donc qui nous font perdre du statut, des accès et le reste. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une ville auquel on a accès seulement si on a justement un karma qui est positif. Et il y a les zones autour qui sont peut-être un peu plus dans le registre Far West et donc dans lesquelles on n'est pas régi justement par cette dynamique-là, ou du moins pas autant régi. Et donc, dans ce contexte-là, il y a une série de crimes qui sont accomplis, enfin une série de morts suspicieuses qui vont amener une équipe d'enquêteurs, un brin stéréotypé, mais ça fonctionne justement bien malgré tout. Donc, le vieux flic qui a tout vu, le plus jeune qui est admiratif du vieux flic et qui va le suivre coûte que coûte, et la jeune qui, elle, sort de l'école, qui devient la supérieure des deux autres de par les grades et la formation, et qui essaie de se dépêtrer dans la moralité variable, si on peut dire, des actions policières et de l'enquête qui devra être accomplie. Et donc, les trois ensemble essaient de creuser justement cette réalité. C'est une série de deux tomes. Donc, le premier tome, on a vraiment... on sait saisit l'ampleur peut-être un peu de la chose qui est en train de se tramer derrière ces morts mystérieuses. Il y a des ponts avec évidemment les jeux politiques, avec aussi des vestiges mythologiques d'une ville pré-karmaïque. Il reste donc, on bâtit dans le fond une mythologie autour de cette enquête-là et autour des personnages et de leur nature. Ben, on bâtit aussi une belle dynamique d'équipe. Donc un beau récit d'anticipation qui est très fluide, qui est très bien mené, sérieux, ça se lit très facilement, très agréablement, juste assez caricatural, pas trop pour les personnages, juste assez engageant pour qu'on soit impliqué, juste assez, même au-delà de ça. Donc ça devient une belle... un beau récit, enfin une belle enquête qui souffle à la fois sur l'esprit industriel donc d'une ville futuriste, à la fois sur un côté désertique aussi des climats qui l'entourent. Il y a évidemment toutes les dynamiques liées à la science-fiction, un peu les utopies, les sociétés, la construction sociale et le reste, donc les réflexions qui sous-tendent aussi la construction de tout ça. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est d'être toujours gentil et le reste? Donc, on joue un peu là-dedans. D'un point de vue du récit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'enquête elle-même, mais l'auteur n'attend pas que les enquêteurs découvrent l'ensemble des informations pour nous en révéler une partie. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même un petit jeu parallèle, donc parfois quelques cases par-ci, par-là, qui nous révèlent un peu plus de contexte que ce que les enquêteurs en comprennent. Donc, ça joue aussi avec notre implication, si on peut dire, à l'intérieur du récit. Donc, vraiment une belle surprise, en fait. Je regrette un brin d'avoir tant tardé pour lire ce livre-là, mais vraiment, donc j'ai hâte de voir le deuxième. J'espère que le deuxième tome ira un peu avec les mêmes forces, la même dynamique pour poursuivre cette construction-là. Alors, on va croiser les doigts, mais vraiment, premier tome qui est très prometteur, c'est chez Dupuis. Ça s'appelle Karma City, c'est le tome 1, et c'est de Pierre-Yves Gabrillon. Alors, donc, petite suggestion, deux suggestions, en fait, finalement, au passage ici à la vie en BD. La deuxième moitié de cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier est toujours avec vous jusqu'à 18h30. On poursuit dans cette exploration du 9e art. Et maintenant, on va plonger dans l'univers du livre Moi aussi, je voulais l'emporter. C'est de Julie Delporte. C'est du côté des éditions Pow Pow. L'auteur est avec nous au bout du fil. Julie Delporte, bonjour. Oui, bonjour. Alors, en fait, d'emblée, on peut placer peut-être, en fait, la réflexion au départ de moi aussi, je voulais l'emporter, peut-être pour présenter un peu la nature de la bête. J'ai l'impression, vous me direz si j'ai tort, mais qu'à un certain point, vous en êtes venu à vous sentir peut-être un peu floué d'être une fille, d'hériter de tous les impératifs sociaux qui sont liés à la féminité ou à la perception qu'on a de ce que devrait être la féminité. Bah oui, c'est une manière de l'aborder. C'est sûr que c'est un livre qui est de toute façon profondément féministe, mais c'est pas que ça. C'est aussi l'histoire de comment on en arrive à devenir féministe et pourquoi ça peut être important dans un parcours personnel. Et puis pour ce qui est des impératifs, bah oui, on peut dire que ça a été une prise de conscience que j'ai fait en même temps que j'avais ce projet de livre. Quand j'ai commencé à y penser il y a 4 ans, c'était autre chose. Et puis les 4 années qui m'ont accompagnée pendant que je le faisais n'ont été qu'une prise de conscience vraiment de tout ce dont vous parlez. Et justement, en fait, l'autre chose était peut-être un peu centrée de ce que j'en avais compris sur la figure de Tove Jansson, qui avait créé toute sa vie, peut-être un brin isolé, donc par opposition un peu à la vie en société, avec la nature de la bête, si on peut dire, sociale. Donc c'est un peu... Au départ, c'était vraiment censé être centré sur cette figure-là. Oui, tout à fait. Moi, j'avais fait mes premières... Par exemple, j'avais fait une demande de bourse pour aller en Finlande, d'où est originaire Tove Jansson. Donc, je suis allée là-bas avec l'idée d'écrire un livre sur elle. Je savais même pas trop si ça allait être une fiction où je la mettrais en scène ou si ça serait un documentaire sur elle. Mais j'ai fait beaucoup de recherches là-bas. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte en cherchant sur sa vie qu'elle m'inspirait énormément, notamment c'est ça, elle s'isolait beaucoup pour écrire, soit seule dans son atelier à Helsinki en Finlande, mais aussi elle avait acheté plus tard une île dans laquelle elle allait créer. Et il y a vraiment cette idée de la femme créatrice solitaire, où j'avais aucun modèle de ce genre d'auteur, et sûrement pas dans la bande dessinée, en fait. Elle m'a aussi beaucoup rejointe parce que donc c'est la créatrice des bandes dessinées des Moomins, et c'était la première fois que je me disais historiquement, une femme déjà décédée, donc qui appartient à l'histoire, qui a une vie qui m'interpelle complètement, et en plus une œuvre que j'adore. Et puis là je me suis dit, mais en fait je crois que c'est le premier modèle de sexe féminin que j'ai. Parce qu'avant tout ça, je me suis rendu compte que je ne m'étais identifiée qu'à des artistes masculins. Et donc ça devient confrontant. En fait, on réalise ça, puis après ça on revoit, puis on le fait un peu comme vous disiez tantôt, c'est un peu votre cheminement de pensée, la construction de votre pensée féministe. Donc on replonge un peu dans sa jeunesse, on voit un peu toutes les étapes, tous les éléments déterminants de notre parcours dans un autre, j'imagine, à travers un autre filtre, à travers un autre regard. Oui, c'est sûr, c'est de toute façon en perpétuel travail, mais oui, par exemple, c'est sûr que récemment, je me suis aperçue que à l'école, tout au long du secondaire, on m'avait jamais fait étudier un livre de femme. Peut-être si récemment, je me suis dit, le seul livre, c'était Le Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, le seul livre de femme, mais sinon, on a juste... Puis pourtant, j'ai un parcours très littéraire avec des options spécialisées en littérature. Eh bien, tous les livres qu'on étudiait, c'était des livres d'hommes, mais jusqu'à longtemps, je pense que je m'en apercevais même pas. Et c'est ça, il y a eu une prise de conscience de tout ça que j'essaye de transmettre dans le livre. Oui, parfait. Puis une prise de conscience qui est arrivée un peu en amont de la prise de conscience collective, si on peut dire, qui est en train de se vivre, des débats justement sur le féminin qui l'emporte, le masculin qui l'emporte, oui, sur le féminin en grammaire et autres. Enfin, on dirait que vous avez écrit ce livre-là pour maintenant, presque, dans la nature de ce qui se discute dans l'espace public actuellement. Ben oui, mais je pense que, justement, c'est que mon livre sort en même temps que d'autres débats. Donc, oui, j'étais à peine en avance, parce que je pense que c'est ça, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Je crois pas que ça va forcément tout régler. Je suis loin d'être complètement optimiste là-dessus, mais je dirais qu'il y a une nouvelle vague de prise de conscience féministe en ce moment, en tout cas au Québec. Et je parlais, que j'identifie peut-être avec la vraie naissance de ça. Je me souviens bien quand notre ministre de la Condition des Femmes a dit qu'elle n'était pas féministe. J'ai vraiment senti que les discussions dans les milieux artistiques commençaient à vraiment monter. Et le titre du livre, en fait, je parlais de la grammaire, justement, c'est clairement une référence. En fait, le mot aussi, je voulais l'emporter. C'est pourquoi éventuellement le féminin pourrait pas l'emporter dans la grammaire? Ça semble assez petit comme détail, mais en même temps, c'est majeur aussi comme détail. Ouais. Mais ce qui est complètement fou, c'est de pouvoir vivre en tant que femme pendant 30 ans. En trouvant ça complètement normal, on apprend quand on est petit, le masculin l'emporte sur le féminin, et ça nous paraît vraiment normal. Je pense que il y a comme un côté un peu Matrix. À un moment donné, on prend une pilule, on se rend compte de la réalité qui est cachée derrière les structures sociales de domination. Puis une fois qu'on s'en est rendu compte, on a accès à d'autres niveaux et on ne peut plus revenir en arrière. Là, on comprend à quel point ça peut influencer sur la confiance que les femmes ont en elles, que ce genre de choses, ouais. Oui, puis en fait, à la limite, en fait, c'est qu'on en finit par réaliser à quel point l'humain a créé le système, l'homme principalement, en fait, mais à quel point, justement, aussi, si on le bâtit, on peut le rebâtir ou le transformer. Quand on parle d'une règle de grammaire, oui, c'est comme dans le Becherel, mais je veux dire, le Becherel est quelqu'un qui l'a écrit, donc on peut le changer. Oui, c'est très... ça me fait penser à des dictates religieux, un petit peu. C'est comme, finalement, la Bible, si on prend la religion catholique, qui est, moi, mes origines personnelles, mais à un moment donné, il faut se dire, oui, c'est quelqu'un qui l'a écrit, c'est juste quelqu'un qui l'a écrit. Ouais. Et dans le fond... À travers le récit, vous ouvrez justement comme ça plusieurs questions qui, j'imagine, en fait, pour le lecteur, selon le lecteur, va être soit confrontante ou soit effectivement oui. Et pour la lectrice, c'est peut-être un peu parfois aussi un moment de communion où on va dire, enfin quelqu'un qui pense la même chose dans un contexte où tranquillement, justement, cette parole-là se libère un peu. Oui, puis c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de, en tout cas dans la réception du livre. Moi, je m'attendais à ce que beaucoup de femmes l'aiment, c'est sûr, mais récemment, je sens que j'ai interpellé vraiment tout un pan du lectorat masculin de bande dessinée. Beaucoup d'hommes viennent m'en parler, ils trouvent ça important, ça les touche. Je suis contente de la réception du lectorat de genre masculin. Et au niveau justement du travail derrière ce livre-là, donc on parlait Judy Delporte, donc de Tove Jansson, qui était un peu le point de départ. Et à partir de là, est-ce que c'est un peu la réflexion qui s'est construite? Parce que il y a un côté très très intime là-dedans, il y a un côté journal, il y a un côté assez une démarche philosophique presque un peu personnelle. Donc comment on en arrive à créer quelque chose qui est cohérent, qui est organique un peu autour de thématiques comme celle-là? Je ne sais pas, je pense que je travaille beaucoup aussi avec l'intuition. C'est vraiment, ça, pour la cohérence, je dirais que c'est vraiment intuitif chez moi. Voilà. Donc, enfin, on y va. Puis, en fait, j'imagine si on y va à 100% en implication personnelle, nécessairement, on va être fidèle à ce qu'on est parce qu'on est impliqué, dans le fond, dans ce qu'on propose, dans ce qu'on écrit. Oui. Puis, moi, j'ai vraiment... une réflexion autour de la démarche autofictionnelle. C'est ça, je pense vraiment à ma manière dont je vais parler de moi, qui est jamais anodine. Donc c'est ça, c'est un livre où j'ai, en fait, comme journal, qui était un de mes précédents livres, qui est vraiment un journal à la base, mais dans lequel j'ai un peu changé les structures temporelles, peut-être pour coller plus à ce que c'est que la structure temporelle des émotions ou de faire un deuil, ou par exemple on croit qu'on va bien, qu'on a passé une étape et puis finalement il se passe quelque chose, ou juste parce que c'est l'hiver, on revient en arrière, on resubit des sentiments négatifs, et du coup c'est pas forcément linéaire. Faire un deuil ou se rendre compte de quelque chose, Il y a des allers-retours, etc. Donc j'ai voulu un peu mélanger la temporalité, justement, entre l'enfance, l'âge adulte, tout en gardant la forme du journal, mais c'est ça. Et dans un contexte aussi, et ça, c'est un élément que vous ameniez sur le site de votre éditeur, j'ai trouvé intéressant, où, dans le fond, il y a un côté de censure, d'autocensure, parfois, on se dit, ben, je ne sais pas si je vais dire ça, c'est peut-être un peu trop personnel, ou c'est peut-être un peu trop ci. Et après ça, ben, que vous aviez intégré la réflexion à savoir si cette pression, c'est une autocensure en lien avec une pression ressentie, et donc, dans la qu'il fallait dépasser, dans le fond, et pas simplement une volonté personnelle réelle de ne pas partager, par exemple, tel ou tel élément? Oui, c'est toujours une fine ligne, à savoir quand on va dans l'intime. Moi, j'y vais jamais dans l'intime juste pour aller dans l'intime. Là, c'est toujours une volonté politique. Par exemple, pour ce qui a trait, parce que le livre parle par exemple un peu de la question d'agression sexuelle. Je me perds dans mes propos, mais ce que je veux dire, c'est c'est ça. Souvent, j'ai pu faire mon parcours personnel de savoir où je pouvais me situer dans cette question-là en lisant des livres qui étaient des autofictions d'autres auteurs et autrices. Je pense par exemple à Patty O'Green qui a écrit ce merveilleux livre qui s'appelle Maître la hache. Tout d'un coup, moi, j'ai lu ça, ça m'a fait avancer moi-même sur ma propre histoire. Donc, quand j'écris sur moi, c'est vraiment pour les autres, pour lever le tabou, pour mieux comprendre les mécanismes, pour partager. Et il y a toujours une fine ligne de jusqu'où on va, où est-ce qu'on s'arrête. Mais je crois que il y a la ligne qui est ressentie, on la sent bien, là où il faut s'arrêter. Et ben, moi, je m'amuse toujours à mettre le pied un petit peu à l'extérieur de la ligne pour faire avancer. Puis c'est aussi comme une démarche artistique, là, pour choquer un peu, peut-être. Non, mais... enfin, une démarche artistique puis une démarche politique, à la limite, où on dit, ben, dans le fond, en allant un peu plus loin dans le privé, ça devient peut-être un peu une prise de position, un geste politique, en fait, pour faire avancer, progresser ou enrichir le débat, si on peut dire. Oui. Ben, tout ce qui est de l'histoire, pour moi, beaucoup de choses dans l'histoire des femmes n'ont pas avancé parce qu'elles étaient cachées. C'est de là que vient le slogan féministe, le privé et politique. C'est-à-dire que ben, c'était de l'ordre du corps, de l'ordre du domestique. Du coup, on n'en parlait pas dans la sphère privée. Parce que c'était pas digne d'intérêt politique, mais si justement, ça l'est très fort. Donc voilà, tout ce qui est de la sphère privée, on doit en parler, publiquement, et c'est de la politique, c'est ça, un petit peu l'idée. Et en terminant, Julie Delporte, d'écrire comme ça, en fait, la construction de sa réflexion féministe, si on peut dire, est-ce que ça vient un peu libérer, un peu confirmer certains éléments, libérer un peu une certaine pression en disant, ben voici, c'est un peu un statement, et est-ce qu'en parallèle aussi, on dit plutôt que ça motive à persister, à continuer, la lutte, si on peut dire, pour atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre dans le bouquin? Ah, je sais pas si j'avais un espoir que des objectifs soient atteints. C'était beaucoup un livre de partage, un livre de sororité. Je pense que nous les femmes, on a vraiment besoin de centres validés, en fait, parce qu'on est, même si on est de plus en plus reconnu, ça reste, par exemple, on peut parler de notre nouveau prix littéraire, du prix des libraires. Les 6 livres et dans la catégorie bande dessinée étrangère sont 6 livres d'hommes. Dans la catégorie québécoise, c'est 5 livres d'hommes, 1 livre de femmes. Betty Boop, c'est ça. Donc. J'ai oublié le début de ma phrase. Qu'est-ce que c'était ma question déjà? En fait, donc c'est un peu sur l'impact sur soi-même ou en fait vous en avez amené sur la notion de partage, l'importance du partage en fond. Oui, mais nous c'est que c'est qu'entre s'il y a une tendance à avoir des goûts masculins, des hommes qui choisissent des hommes, etc. Ben nous les femmes, il faut qu'on se connaisse déjà. Par exemple, moi, connaître le travail de Tove Jansson, ça a été comme ah ok, il y a cette auteure là féminine qu'il faut mettre de l'avant. Elle est pas moins bonne que Tintin, tu sais. Elle est pas moins bonne que Hergé. Les Moumines, c'est c'est merveilleux. Donc, il faut la remettre en avant. Il faut qu'on fasse le travail de se connaître et de s'aimer, puis nous, de se mettre en avant les unes des autres. Et je pense que le livre, c'était sur moi qui faisais ça, moi qui allais vers les femmes, moi qui citais des femmes aussi. Je me suis rendu compte que dans mon précédent livre, je vois des antennes partout. J'avais énormément de citations littéraires, mais d'hommes, je citais Georges Perec, je citais Thoreau, et que des hommes comme ça. Je les ai cités dans ce livre-là, aucune femme, et je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte seulement après, en relisant, en repensant à ce livre-là. Je me suis dit, ah, mais mon personnage, c'était pas c'était une fiction, c'était pas mon histoire, mais j'avais créé un personnage qui n'avait que des références masculines. Et y a un travail, je pense que ce travail aussi est en train d'être fait collectivement. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur des figures féminines importantes. Voilà, et puis c'est pas juste un effet de mode, là, c'est vraiment un travail de fond à faire. Et moi j'ai l'impression que ce livre-là partage quelque chose de ça. Là, c'est un livre aussi où je parle de mes références, par exemple la cinéaste Chantal Akerman. C'est ça, c'est comme un petit monde pour apprendre à cultiver, parce qu'en en aimant des collègues féministes artistes, on arrive aussi à s'aimer soi et à aimer son propre travail et en finir avec la sensation d'imposteur ou la sensation de ne pas avoir de place. Alors, ben, on fait une belle invitation peut-être à justement aller lire, aller partager ce moment et cette réflexion avec vous. Julie Delporte, merci beaucoup. Merci à vous. Et au plaisir. Enfin. Alors voilà, donc Julie Delporte, je le rappelle, auteur de ce « Moi aussi, je voulais l'emporter », c'est du côté des éditions Pow Pow. De l'émission La vie en BD qu'on partage en compagnie d'un de nos libraires en résidence, Jérôme Vermette, bonjour. Salut Raymond. Et Jérôme, en fait, trois belles suggestions à ton côté cette semaine. Lecture récente, dans ton cas, en fait, des fois, on dirait qu'on se lance un peu dans les rayons avant de passer à l'émission pour voir si on a manqué quelque chose d'incontournable. C'est à peu près ça que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est des incontournables. Là. Je t'avouerai qu'il y en a un des trois qui me paraît un peu un ovni. Là. En tout cas. On va se lancer, on va découvrir. Oui. Je te lance le premier titre, Tes yeux ont vu. OK, bon, ben on commence peut-être par l'OVNI, justement. Alors, Cornelius, la maison d'édition, qui souvent publie des choses assez hors normes, là, parfois même underground, Tes yeux ont vu. C'était par curiosité que je me suis jeté là-dessus. C'est un titre que moi, j'ai trouvé intéressant. C'est un peu une relecture de Frankenstein, le mythe de Frankenstein, dans ce sens que c'est pas, on raconte pas à nouveau cette histoire-là, mais on a vraiment un médecin. L'histoire est un médecin qui a expérimenté pour créer une personne de toutes pièces, comme l'a fait Frankenstein. À l'inverse, par contre, du fameux savant gothique de Mary Shelley, elle s'occupe de sa création. Elle passe du temps avec, elle essaie de lui montrer à vivre et tout ça. Et il y a même une scène très belle à un moment donné où le personnage qui s'appelle Emmett discute avec elle, lui dit « Pourquoi tu m'as créé? » Donc, on a vraiment l'impression d'un dialogue entre l'humain et son créateur. Là. « Pourquoi tu m'as créé? » Et elle lui répond tout simplement, mais avec le sourire, « Mais pour te rencontrer. » Donc, ça, c'est une belle scène. Jérôme Dubois, le scénariste et dessinateur, joue beaucoup sur la durée. Donc, c'est vraiment... c'est pas un livre d'action, c'est un livre qui s'écoule lentement, là. Donc, comme il a énormément de talent pour dessiner les décors et les cases d'exposition, il fait beaucoup durer le temps comme ça, sans nécessairement avoir du dialogue. Souvent, juste avec quelques phrases, il fait sentir beaucoup d'émotions entre les deux personnages. Donc, ça crée un rythme particulier pour le lecteur. Vraiment, vraiment. Et parfois, beaucoup de non-dits aussi qu'il faut, à ce moment-là, pour le lecteur aller chercher. Décors... super réussi. Les personnages peuvent peut-être rebuter certaines personnes. Le style, c'est-à-dire de Jérôme Dubois pour les personnages, peut peut-être rebuter certaines personnes, mais je dirais que c'est vraiment de l'émotion dans le non-dit et du psychologique. Là. Donc, un bon moi, avenir. J'ai aimé ça, là, oui. Mais... Enfin. C'est un bon ovni, mais il faut savoir que c'est un ovni, si on peut dire. Ouais, si on veut, exactement. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment, vont aimer. Donc, deuxième titre, Jérôme, Les jours qui disparaissent. Ah oui, bon, ça, je dois avouer que j'ai pas été capable de le lâcher à partir du moment où je l'ai commencé. C'était fichement bien ficelé, à mon avis. Je m'attendais à quelque chose d'hyper flyé au niveau science-fiction, et finalement, bon, c'est de la science-fiction, mais il faut dire que ça devient vraiment thriller assez rapidement. Donc, Ces jours qui disparaissent raconte l'histoire d'un personnage d'une vingtaine d'années, un artiste du cirque, qui s'aperçoit que il lui manque un jour sur deux. Un jour sur deux, il oublie ce qui s'est passé pour réaliser éventuellement qu'une autre personnalité prend le dessus sur lui ces journées-là. Il entame un dialogue avec cette personne-là à travers leur ordinateur. Ils se mettent à se filmer. Les deux personnes, c'est des personnalités extrêmement opposées. Donc, le personnage que nous, on suit, de qui on voit toujours l'histoire, du point de vue de qui on voit toujours l'histoire, Ludin, c'est un artiste. Lui, il rêve de liberté, d'amour, il y a des amis qui le tient énormément, alors que l'autre personnalité, c'est une personne plus froide, plus calculatrice, qui fait le ménage constamment, paye les comptes, et éventuellement se monte une petite affaire. Et ce qui est intriguant, c'est qu'éventuellement, cette personnalité-là, celle qui est plus rigoureuse, finit par prendre le dessus et à prendre de plus en plus de temps, alors que Ludin, le personnage que nous, on suit, peut prendre des mois, des fois, avant de se réveiller à nouveau. Et ça ne dure que quelques temps. Il sait qu'il n'en a que pour une journée à chaque fois qu'il apparaît. Donc, c'est un voyage dans le temps. Éventuellement, on finit par arriver dans le futur. C'est très, très intriguant. Éventuellement, il y a des portes d'entrée que nous met l'auteur, Timothée Leboucher, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il nous donne pas une réponse tout de suite. On peut faire plusieurs hypothèses en tant que lecteur. D'après moi, elles se valent toutes. Mais c'est très, très intriguant de voir jusqu'où cette histoire-là va aller. Au niveau graphique, Timothée Leboucher, ils mettent un peu le manga, mais en style ligne claire. C'est vraiment spécial comme concept, les couleurs très franches. En tout cas, j'ai pas été capable de le lâcher. Je l'ai lu d'une traite, et pourtant, c'est pas un petit roman graphique. Là, vraiment, j'ai trouvé ça enlevant. Oui, puis avec les jeux temporels aussi, ça ajoute une belle couche de complexité. Vraiment, vraiment. Puis lui, il est obligé de se renseigner. Qu'est-ce que l'autre a fait? Tout ça, nous-mêmes, on le voit jamais. Donc, on est toujours du point de vue de Ludin. Donc, nous-mêmes, on est pognés avec ce mystère-là à chaque fois. Ouais, j'aime bien le côté immersif comme ça, dans des situations comme ça, où on a à compléter beaucoup d'éléments, justement. Oui, puis, en tout cas, je vous le dis, c'est assez surprenant. Là. C'est prenant comme livre. Ouais. Alors, ça, c'est Les jours qui disparaissent. Oui. Et Jérôme Vermette, troisième titre pour cette semaine, La cité des trois saints. Oui, qui vient pas mal de paraître, là, qui est chez Sarbacane. Très, très beau livre au niveau graphique, au niveau style graphique. La couleur, on dirait, directe à la fois à aquarelle et fusain, là, à sanguine et tout ça. Donc, au niveau graphique, c'est de toute beauté. Et c'est une histoire de caïd. Hein? Donc, la cité des trois saints, on sait jamais c'est où exactement, sauf que c'est en Italie. On suit trois personnages qui vivent une histoire en parallèle. Ils sont tous les trois dans la rue. Un jeune qui s'appelle Nika, qui lui, bon, c'est un jeune caïd, mais on sent bien que s'il y avait l'occasion, il s'en sortirait peut-être de la rue. Un ancien boxeur totalement junkie et défoncé, qui a déjà fait des paris, bon, du style, je me laisse vaincre pour gagner de l'argent et tout ça. Et un caïd, comment dit-on déjà, repenti, qui a sa petite affaire et qui éventuellement se fait menacer par les nouvelles gangs. Bon, ben, on va te taxer pour te protéger, etc. Donc, trois histoires en parallèle, trois histoires de personnes un peu brisées par la société dans laquelle ils sont, sur fond de... parce que ça nous montre quand même une ville où il se passe autre chose que juste eux. Entre autres, pendant les trois jours que se déroule l'histoire, ben il y a la fameuse procession des trois saints. Un saint par soir a sa procession. Il y a sûrement des comparables qu'on peut faire avec les trois personnages. Je t'avoue que je suis pas allé pousser si loin que ça. D'ailleurs, chacun des chapitres possède comme titre le nom d'un des trois saints. Et dans l'histoire, moi, ça m'a rappelé un peu, des fois j'ai tendance à faire des comparaisons cinématographiques, ça m'a rappelé un peu le film Amores Perros, c'est un vieux film mexicain, un film des années 2000, là, Amores Perros, où il y avait plusieurs histoires en parallèle qui se rejoignaient. On a cette impression-là, les personnages pourraient se côtoyer, mais ne se côtoient pas nécessairement ni ne se rejoignent, mais il y a une accélération vers la fin des histoires qui se déroulent en parallèle. On sent comme un climax qui s'en vient dans chacune des trois, on se demande vont-elles se rejoindre ou pas. Et donc, vraiment, là, c'est une belle réussite, j'ai trouvé, au niveau graphique, au niveau du texte. Donc, c'est pas tant une BD d'action qu'une BD où on découvre des gens qui sont, malgré tout, ont un certain sens de l'honneur et souhaitent s'en sortir ou veulent protéger les leurs dans un milieu qui est franchement pas facile. Donc, un espèce de mélange, justement, entre Amores Perros et La Cité de Dieu, là, ce film sur les favelas, là, qu'il y avait eu au Brésil. Encore là, une belle réussite. Moi, j'ai trouvé La Cité des Trois Saints dans un style totalement différent des deux autres bandes dessinées que j'ai parlé tantôt. Alors, chouette suggestion, si on peut dire, à découvrir dans trois styles différents. Le dernier étant La Cité des Trois Saints. Et Jérôme, avant de te laisser, je mentionne au passage aussi, t'es à la librairie de la Liberté. Vous allez recevoir Michael en dédicace, vous, le 2 décembre prochain. Oui, Michael, qui va venir dédicacer principalement l'album Giant, le premier tome de Giant pour lequel il a été nominé pour les prix préliminaires. Là, les prix des libraires. Ça va être vers quelle heure à peu près? Ça se tient à partir de 13h30 le 2 décembre à la librairie La Liberté. Puis Michael, c'est une personne qui est très sympathique et puis très talentueux, donc ça vaut vraiment la peine de venir le voir, faire son coup de crayon là, en dédicace. Excellent, mais l'invitation est lancée. Et Jérôme Vermette, nous on se dit à très bientôt. À bientôt, je te remercie beaucoup Raymond. Salut bien. Bonne journée. Ah, voilà donc l'un de nos libraires en résidence. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette émission. La semaine prochaine, on jasera avec JF autour de ses liaisons dangereuses. On parlera BD également à divers autres égards. Alors c'est un rendez-vous, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.